Small Flanders, 16e partie. J'avais eu assez bonne chance jusque-là, et j'eus plusieurs autres aventures, de peu de gains, il est vrai, mais de bon succès. Mais je marchais dans la crainte journalière que quelque malheur m'arrivât, et que je viendrais certainement à être pendu à la fin. L'impression que ces pensées me faisaient était trop forte pour la secouer, et elle m'arrêta en plusieurs tentatives qui, pour autant que je sache, auraient pu être exécutées en toute sûreté. Mais il y a une chose que je ne puis omettre et qui fut un appât pour moi pendant de longs jours. J'entrais fréquemment dans les villages qui étaient autour de la ville afin de voir si je n'y rencontrerais rien sur mon chemin. Et, passant le long d'une maison près de Stepney, je vis sur l'appui de la fenêtre deux bagues, l'une un petit anneau de diamant, l'autre une bague d'or simple. Elles avaient été laissées là, sûrement, par quelques dames écervelées qui avaient plus d'argent que de jugement, peut-être seulement jusqu'à ce qu'elles se fût lavées les mains. Je passai à plusieurs reprises près de la fenêtre pour observer si je pouvais voir qu'il y eût personne dans la chambre ou non. Et je ne pus voir personne, mais encore n'étais pas sûr. Un moment après, il me vint à l'idée de frapper contre la vitre. Comme si j'eusse voulu parler à quelqu'un, et s'il y avait la personne, on viendrait sûrement à la fenêtre, et je leur dirais alors de ne point laisser là ces bagues, parce que j'avais vu deux hommes suspects qui les considéraient avec attention. Sitôt pensé, sitôt fait. Je cognai une ou deux fois, et personne ne vint. Et aussitôt je poussai fortement le carreau, qui se brisa avec très peu de bruit, et j'enlevai les deux bagues et m'en allai. L'anneau de diamant valait 3 livres et l'autre à peu près 9 shillings. J'étais maintenant en embarras d'un marché pour mes marchandises et en particulier pour mes pièces de soie. J'étais fort répugnante à les abandonner pour une bagatelle, ainsi que le font d'ordinaire les pauvres malheureux voleurs qui, après avoir aventuré leur existence pour une chose qui a peut-être de la valeur, sont obligés de la vendre pour une chanson quand tout est fait. Mais j'étais résolue à ne point faire ainsi, quelque moyen qu'il fallût prendre. Pourtant je ne savais pas bien à quel expédient recourir. Enfin, je me résolus à aller trouver ma vieille gouvernante et à refaire sa connaissance. Je lui avais ponctuellement remis ses 5 livres annuels pour mon petit garçon tant que je l'avais pu. Mais enfin, je fus obligée de m'arrêter. Pourtant, je lui avais écrit une lettre dans laquelle je lui disais que ma condition était réduite, que j'avais perdu mon mari, qu'il m'était impossible désormais de suffire à cette dépense, et que je la suppliais que le pauvre enfant ne souffrît pas trop des malheurs de sa mère. Je lui fis maintenant une visite, et je trouvai qu'elle pratiquait encore un peu son vieux métier, mais qu'elle n'était pas dans des circonstances si florissantes qu'autrefois, car elle avait été appelée en justice par un certain gentilhomme dont la fille avait été enlevée et au rapt de qui elle avait, paraît-il, aidé. Et ce fut de bien près qu'elle échappa à la potence. Les frais aussi l'avaient ravagée, de sorte que sa maison n'était que médiocrement garnie et qu'elle n'avait pas si bonne réputation en son métier qu'auparavant. Pourtant, elle était solide sur ses jambes, comme on dit, et comme c'était une femme remuante et qu'il lui restait quelques fonds, elle s'était faite prêteuse sur gage et vivait assez bien. Elle me reçut de façon fort civile, et avec les manières obligeantes qu'elle avait toujours, m'assura qu'elle n'aurait pas moins de respect pour moi parce que j'étais réduite, qu'elle avait pris soin que mon garçon fût très bien soigné, malgré que je ne pusse payer pour lui, et que la femme qui l'avait était à son aise, de sorte que je ne devais point avoir d'inquiétude à son sujet jusqu'à ce que je fusse en mesure de m'en soucier effectivement. Je lui dis qu'il ne me restait pas beaucoup d'argent, mais que j'avais quelques affaires qui valaient bien de l'argent si elle pouvait me dire comment les tourner en argent. Elle demanda ce que c'était que j'avais. Je tirai le cordon de perles d'or et lui dis que c'était d'un des cadeaux que mon mari m'avait fait. Puis je lui fis voir les deux pièces de soie, que je lui dis que j'avais eues d'Irlande et apportées en ville avec moi, et le petit anneau de diamant. Pour ce qui est du petit paquet d'argenterie et de cuillères, j'avais trouvé moyen d'en disposer toute seule auparavant. Et quant au trousseau du bébé que j'avais, elle m'offrit de le prendre elle-même, pensant que ce fût le mien. Elle me dit qu'elle s'était faite prêteuse sur gage et qu'elle vendrait ses objets pour moi, comme s'ils lui eussent été engagés. De sorte qu'elle fit chercher au bout d'un moment les agents dont c'était l'affaire et qu'ils lui achetèrent tout cela, étant en ses mains, sans aucun scrupule, et encore en donnèrent de bons prix. Je commençais maintenant de réfléchir que cette femme nécessaire pourrait m'aider un peu en ma basse condition à quelque affaire, car j'aurais joyeusement tourné la main vers n'importe quel emploi honnête si j'eusse pu l'obtenir. Mais des affaires honnêtes ne venaient pas à portée d'elle. Si j'avais été plus jeune, peut-être qu'elle eût pu m'aider, mais mes idées étaient loin de ce genre de vie, comme étant entièrement hors de toute possibilité, à 50 ans passés, ce qui était mon cas, et c'est ce que je lui dis. Elle m'invita enfin à venir et à demeurer dans sa maison jusqu'à ce que je pusse trouver quelque chose à faire et que cela me coûterait très peu, et c'est ce que j'acceptai avec joie. Et maintenant, vivant un peu plus à l'aise, j'entrai en quelque mesure pour faire retirer le petit garçon que j'avais eu de mon dernier mari. Et sur ce point encore, elle me mit à l'aise, réservant seulement un paiement de 5 livres par an, si cela m'était possible. Ceci fut pour moi un si grand secours que, pendant un bon moment, je cessai le vilain métier où je venais si nouvellement d'entrer. Et bien volontiers, j'eusse pris du travail, sinon qu'il était bien difficile d'en trouver à une qui n'avait point de connaissances. Pourtant, enfin, je trouvai à faire des ouvrages piqués pour literie de dames, jupons et autres choses semblables. Et ceci me plut assez, et j'y travaillai bien fort, et je commençai à en vivre. Mais le diligent démon, qui avait résolu que je continuerais à son service, continuellement m'aiguillonnait à sortir et à aller me promener, c'est-à-dire à voir si je rencontrerais quelque chose en route, à l'ancienne façon. Une nuit, j'obéis aveuglément à ses ordres, et je tirai un long détour par les rues, mais ne rencontrai point d'affaires. Mais non contente de cela, je sortis aussi le soir suivant, que, passant près d'une maison de bière, je vis la porte d'une petite salle ouverte, tout contre la rue, et sur la table un pot d'argent, chose fort en usage dans les cabarets de ce temps. Il paraît que quelques sociétés venaient d'y boire, et les garçons négligents avaient oublié de l'emporter. J'entrai dans le réduit franchement, et, plaçant le peu d'argent sur le coin du banc, je m'assis devant et frappai du pied. Un garçon vint bientôt. Je le priai d'aller me chercher une pinte de bière chaude, car le temps était froid. Le garçon partit courant, et je l'entendis descendre au cellier pour tirer la bière. Pendant que le garçon était parti, un autre garçon arriva et me cria « Avez-vous appelé ?» Je parlai d'un air mélancolique et dis « Non, le garçon est allé me chercher une pinte de bière. » Pendant que j'étais assise là, j'entendis la femme au comptoir qui disait « Sont-ils tous partis aux cinq ?» qui était le réduit où je m'étais assise, et le garçon lui dit que oui. « Qui a desservi le pot ?» demanda la femme. « Moi, » dit un autre garçon. « Tenez, le voilà !» indiquant, paraît-il, un autre pot qu'il avait emporté d'un autre réduit par erreur. Ou bien il faut que le coquin eût oublié qu'il ne l'avait pas emporté, ce qu'il n'avait certainement pas fait. J'entendis tout ceci bien à ma satisfaction, car je trouvais clairement qu'on ne s'apercevait pas que le pot manquait et qu'on pensait qu'il eût été desservi. Je bus donc ma bière, j'appelai pour payer, et, comme je partais, je dis « Prenez garde, mon enfant, à votre argenterie !» Et j'indiquai un pot d'argent d'une pinte où il m'avait apporté à boire. Le garçon dit « Oui, madame, à la bonne heure !» Et je m'en allai. Je rentrai chez ma gouvernante et me dis que le temps était venu de la mettre à l'épreuve, afin que, si j'étais mise dans la nécessité d'être découverte, elle pût m'offrir quelque assistance. Quand je fus restée à la maison quelques moments, et que j'eus l'occasion de lui parler, je lui dis que j'avais un secret de la plus grande importance au monde à lui confier, si elle avait assez de respect pour moi, pour le tenir privé. Elle me dit qu'elle avait fidèlement gardé un de mes secrets. Pourquoi doutais-je qu'elle en garderait un autre? Je lui dis que la plus étrange chose du monde m'était arrivée, mêmement sans aucun dessein. Et ainsi je lui racontai toute l'histoire du pot. « Et l'avez-vous apporté avec vous, ma chère ? » dit-elle. « Vraiment oui, » dis-je, et le lui fit voir. « Mais que dois-je faire maintenant ? » dis-je. « Ne faut-il pas le rapporter ?»« Le rapporter ? » dit-elle. « Oui, da, si vous voulez aller à Newgate. » « Mais, » dis-je, « il ne saurait avoir la bassesse de m'arrêter, puisque je le leur rapporterai. » « Vous ne connaissez pas cette espèce de gens, mon enfant, » dit-elle. « Non seulement ils vous enverraient à Newgate, mais encore vous feraient pendre, sans regarder aucunement l'honnêteté que vous mettriez à le rendre. Ou bien ils dresseraient un compte de tous les pots qu'ils ont perdus, afin de vous les faire payer. « Que faut-il faire, alors ? » dis-je. « Oui, vraiment, » dit-elle. Puisqu'aussi bien vous avez fait la fourberie et que vous l'avez volé, il faut le garder maintenant. Il n'y a plus moyen d'y revenir. D'ailleurs, mon enfant, dit-elle, n'en avons-nous pas besoin, bien plus qu'eux. Je voudrais bien rencontrer pareille aubaine tous les 8 jours. Ceci me donna une nouvelle notion sur ma gouvernante et me fit penser que, depuis qu'elle s'était faite prêteuse sur gage, elle vivait parmi une espèce de gens qui n'étaient point des honnêtes que j'avais rencontrés chez elle autrefois. Ce ne fut pas longtemps que je le découvris encore plus clairement qu'auparavant, car de temps à autre je voyais apporter des poignées de sabre, des cuillères, des fourchettes, des pots et autres objets semblables, non pour être engagés, mais pour être vendus tout droit. Et elle achetait tout sans faire de questions, ou elle trouvait assez son compte, ainsi que je trouvais par son discours. Je trouvais ainsi qu'en suivant ce métier, elle faisait toujours fondre la vaisselle d'argent qu'elle achetait, afin qu'on ne pût la réclamer. Et elle vint me dire un matin qu'elle allait mettre à fondre, et que si je le désirais, elle y joindrait mon pot, afin qu'il ne fût vu de personne. Je lui dis de tout mon cœur. Elle le pesa donc et m'en donna la juste valeur en argent, mais je trouvai qu'elle n'en agissait pas de même avec le reste de ses clients. Quelque temps après, comme j'étais au travail et très mélancolique, elle commence de me demander ce que j'avais. Je lui dis que je me sentais le cœur bien lourd, que j'avais bien peu de travail et point de quoi vivre, et que je ne savais quel parti prendre. Elle se mit à rire et me dit que je n'avais qu'à sortir encore une fois pour tenter la fortune, qu'il se pourrait que je rencontrasse une nouvelle pièce de vaisselle d'argent. « Oh, ma mère, dis-je, c'est un métier où je n'ai point d'expérience, et si je suis prise, je suis perdue du coup. »« Oui bien, dit-elle, mais je pourrais vous faire faire la connaissance d'une maîtresse d'école qui vous ferait aussi adroite qu'elle le peut être elle-même. » Je tremblais sur cette proposition, car jusqu'ici je n'avais ni complices ni connaissances aucune parmi cette tribu. Mais elle conquit toute ma retenue et toutes mes craintes. Et en peu de temps, à l'aide de cette complice, je devins voleuse aussi habile et aussi subtile que le fut jamais molle la coupeuse de bourse, quoique, si la renommée n'est point menteuse, je ne fusse pas moitié aussi jolie. Le camarade qu'elle me fit connaître était habile en trois façons diverses de travailler. C'est à savoir, à voler les boutiques, à tirer des carnets de boutiques et de poches, et à couper des montres d'or aux côtés des dames. Chose où elle réussissait avec tant de dextérité que pas une femme n'arriva, comme elle, à la perfection de l'art. La première et la dernière de ses occupations me plurent assez, et je la servis quelque temps dans la pratique, juste comme une aide sert une sage femme, sans paiement aucun. Enfin, elle me mit à l'épreuve. Elle m'avait montré son art, et j'avais plusieurs fois décroché une montre de sa propre ceinture avec infiniment d'adresse. À la fin, elle me montra une proie, et c'était une jeune dame enceinte qui avait une montre charmante. La chose devait se faire au moment qu'elle sortirait de l'église. Elle passa d'un côté de la dame, et juste comme elle arrivait aux marches, feint de tomber, et tomba contre la dame avec une telle violence qu'elle fut dans une grande frayeur et que toutes deux poussèrent des cris terribles. Au moment même qu'elle bousculait la dame, j'avais saisi la montre et, la tenant de la bonne façon, le tressau que fit la pauvre fit échapper la graffe sans qu'elle pût rien sentir. Je partis sur le champ laissant ma maîtresse d'école à sortir peu à peu de sa frayeur, et la dame de même. Et bientôt la montre vint à manquer. « Hélas !» dit ma camarade, « ce sont donc ces coquins qui m'ont renversé, je vous gage. Je m'étonne que madame ne se soit point aperçue plus tôt que sa montre était volée. Nous aurions encore pu les prendre. » Elle colora si bien la chose que personne ne la soupçonna, et je fus rentrée une bonne heure avant elle. Telle fut ma première aventure en compagnie. La montre était vraiment très belle, enrichie de beaucoup de joyaux, et ma gouvernante nous en donna 20 livres, dont j'eus la moitié. Et ainsi je fus enregistrée parfaite voleuse, endurcie à un point où n'atteignent plus les réflexions de la conscience ou de la modestie, et à un degré que je n'avais jamais cru possible en moi. Ainsi, le diable qui avait commencé par le moyen d'une irrésistible pauvreté à me pousser vers ce vice, m'amena jusqu'à une hauteur au-dessus du commun, même quand mes nécessités n'étaient point si terrifiantes. Car j'étais maintenant entrée dans une petite veine de travail, et comme je n'étais pas en peine de manier l'aiguille, il était fort probable que j'aurais pu gagner mon pain assez honnêtement. Je dois dire que si une telle perspective de travail s'était présentée tout d'abord, quand je commençais à sentir l'approche de ma condition misérable, si une telle perspective, dis-je, de gagner du pain par mon travail s'était présentée alors, je ne serais jamais tombée dans ce vilain métier ou dans une bande si affreuse que celle avec laquelle j'étais maintenant embarquée. Mais l'habitude m'avait endurcie et je devins audacieuse au dernier degré. Et d'autant plus que j'avais continué si longtemps sans me faire prendre. Car, en un mot, ma partenaire en vice et moi, nous continuâmes toutes deux si longtemps, sans jamais être découvertes, que non seulement nous devâmes hardis, mais qu'encore nous devâmes riches, et que nous eûmes à un moment 21 montres d'or entre les mains. Je me souviens qu'un jour, étant un peu plus sérieuse que de coutume, et trouvant que j'avais une aussi bonne provision d'avance que celle que j'avais, car j'avais près de 200 livres d'argent pour ma part, il me vint à la pensée, sans doute de la part de quelque bon esprit, s'il y en a de tel, qu'ainsi que d'abord la pauvreté m'avait excité, et que mes détresses m'avaient poussé à de si affreux moyens, ainsi, voyant que ces détresses étaient maintenant soulagées, et que je pouvais aussi gagner quelque chose pour ma subsistance en travaillant, et que j'avais une si bonne banque pour me soutenir, pourquoi ne cesserais-je pas maintenant, tandis que j'étais bien, puisque je ne pouvais m'attendre à rester toujours libre, et qu'une fois surprise, j'étais perdue. Ce fut là sans doute l'heureuse minute où, si j'avais écouté le conseil béni, quelle que fût la main dont il venait, j'aurais trouvé encore une chance de vie aisée. Mais mon destin était autrement déterminé. La vie de démon qui m'avait attiré me tenait trop étroitement serré pour me laisser revenir. Mais ainsi que ma pauvreté m'y avait conduite, ainsi l'avarice m'y fit rester, jusqu'à ce qu'il n'y eût plus moyen de retourner en arrière. Quant aux arguments que me dictait ma raison pour me persuader de renoncer, l'avarice se dressait et disait « Continue, tu as eu très bonne chance. Continue jusqu'à ce que tu aies 400 ou 500 livres, et puis tu cesseras, et puis tu pourras vivre à ton aise sans jamais plus travailler. » Ainsi, Moi qui avais été étreinte jadis dans les griffes du diable, j'y étais retenue comme par un charme, et je n'avais point de pouvoir pour franchir l'enceinte du cercle jusqu'à ce que je fusse engloutie dans des labyrinthes d'embarras trop grands pour que je pusse en sortir. Cependant, ces pensées me laissèrent quelque impression et me firent agir avec un peu plus de prudence qu'avant, et je tenais plus de précautions que mes directrices pour elles-mêmes. Ma camarade, comme je la nommais, j'aurais dû l'appeler ma maîtresse, avec une autre de ses élèves, fut la première qui tomba dans le malheur. Car, se trouvant en quête de gain, elles firent une tentative sur un marchand de toile dans Cheapside, mais furent grippées par un compagnon aux yeux perçants et saisies avec deux pièces de batiste qu'on trouva sur elles. C'en était assez pour les loger toutes deux à Newgate, où elles eurent le malheur qu'on rappelât à leurs souvenirs quelques-uns de leurs méfaits passés. Deux autres accusations étaient portées contre elles. Et les faits étant prouvés, elles furent toutes deux condamnées à mort. Toutes deux plaidèrent leur ventre, et toutes deux furent déclarées grosses, quoique mon institutrice ne fût pas plus grosse que je ne l'étais moi-même. J'allais souvent les voir et les consoler, attendant mon tour à la prochaine. Mais ce lieu m'inspirait tant d'horreur quand je réfléchissais que c'était le lieu de ma naissance malheureuse et des infortunes de ma mère, que je ne pus le supporter davantage et que je cessai mes visites. Et, oh, si j'avais pu être avertie par leur désastre, j'aurais pu être heureuse encore. Car jusque-là j'étais libre et aucune accusation n'avait été portée contre moi. Mais voilà qui ne pouvait être, ma mesure n'était pas encore pleine.